nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À la fin du siècle dernier, il rêvait de s'enregistrer et d'inventer des voix, comme un alchimiste inventerait des formules. Enregistrer, par exemple, le soulier de satin, en faisant toutes les voix. Ah, les voix, la voix. Décrire une voix, impossible. Imiter une voix, bien sûr. Mais imiter une voix que l'on n'a jamais entendue. Ma voix des autres, Nuit magnétique, première diffusion sur France Culture le 17 mai 1999. Bon bah t'as qu'à te garer là mon vieux, on s'en fout non ? Bah oui mais t'es marrant toi. Oh là là là là là là. Bon bah alors tu la prends cette place ou pas ? Non mais je ne me gare pas sur un passage piéton. Ah, remarque il a pas tort, hein. Tu conduis vraiment comme une vieille. Hein. Oui, oui, non, c'est vraiment... Là ça va faire trois fois là qu'on fait le tour. Bah oui mais y a pas de... Bah oui, on va le faire combien de fois là ? 15 fois non ? C'est pas possible. Bon allez écoute, stop, allez, arrête-toi là. Hein. Tu t'arrêtes là. Tu vas porte de Champéret, hein, y a un grand parking, et puis voilà. Hein. Bon bah d'accord. Monsieur, vous voulez pas que vous bloquez la circulation, non ? Est-ce que je ne te permets pas de me vous voyez ? Rendez-vous invisible par la métamorphose. Albert ! Surtout ne soyons pas quelqu'un, soyons plusieurs. Qu'est-ce que tu foutais ? Nous ne pouvons aimer qu'une personne qui est plusieurs personnes. Et nous ne sommes émus que par le mouvement entre toutes ces vies. T'inquiète pas. Comment être si nombreux, si multiples. Bonsoir. Sans que ce soit nuit magnétique, bonsoir. Micro dans le champ. Attends, voix sur voix, ou ma voix des autres. Ouais, peut-être qu'il pense que c'est un oiseau. Ouais, peut-être. J'ajoute juste les mots. Dès l'enfance, personne n'est content de son corps, de sa voix, de son visage, de ses gestes, de ses mouvements. Et quels sont tes rapports avec les animaux ? Par Denis Podalydès et Anne-Pascale Dévy. C'est une nuée, c'est un vol d'oiseaux. Et il nous faut rejoindre ce vol, cette nuée. Ça, c'est des petites cassettes. Voilà. Le dictaphone. Ben oui. Qui me servent de... Ce dictaphone, c'est comme une sorte de carnet, c'est pas des esquisses. Voilà, moi je... Là, j'écoute au hasard ce que c'est. Ma peur à chaque pas s'accroît. Voilà, c'est un brouillon sur le premier monologue de Sosie dans Amphitryon de Molière. Messieurs. Voilà, mais je trouve ça insupportable. Ouais, vachement, c'est assez désagréable. Ouais, c'est assez affreux. C'était désagréable. J'écoute derrière. J'en ai plein, comme ça, c'est plus drôle. Il y a des ratés au moment de la mue. On a l'impression tout à coup que la voix est plus haute ou plus grave, et que la personne ne contrôle pas vraiment ça. Tu te rappelles de ma mue? Pas vraiment. Pas vraiment, malheureusement. Non, moi, j'ai pas vraiment une période traumatique. J'en ai eu des traumatismes, mais pas celui-là. Je crois pas que c'était traumatisant. Comme ça peut l'être chez certains adolescents. Je trouve ça tellement... Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Centaure de Maurice de Guérin. J'avais enregistré ça dans les toilettes de mon appartement rue d'Hauteville, où il y avait une acoustique... J'ai remarqué que dans les toilettes, il y a une acoustique extrêmement flatteuse. Ça résonne et on est très bien, on est assis. On va dans les ténèbres d'un séjour reculé. Voilà. Et sans troubler son silence. Quand nos mères approchent de leur délivrance, elles s'écartent vers les cavernes. Et dans le fond des plus sauvages, au plus épais de l'ombre, elles enfantent, sans élever une plainte, des fruits silencieux comme elles-mêmes. Voilà, on voit la voix flatteuse. Là. Et je sais pas pourquoi, j'ai gardé ça parce que j'aimais bien, mais quand je réécoute, on entend précisément cette voix nasillarde, cette voix un peu grand-père que j'imitais et qui devait me... Ça devait être dans un moment d'angoisse où je me sentais très mal. Et il passait des centaines d'heures aux exercices de préparation, d'aménagement des lieux et des temps, jusqu'à se mettre à entendre le temps, jusqu'à se mettre à voir la parole tenir toute seule, sortir sans lui. Il se disait atteint de languisme, d'une parole qui lui parlait perpétuellement aux oreilles. Il avait un animal dans son animal, une voix dans le ventre, une voix dedans. Il était pour toujours dans le monde des langues, c'est-à-dire qu'il n'était pas sûr d'avoir un corps, pas sûr d'être dans un monde, moins sûr encore d'être un être vivant. Il était dans le monde des langues en fusion, il voyait tout entrer et sortir, Il voyait la langue toute seule, il voyait le monde sans l'homme. Voilà. C'est une valeur Novarina dans le théâtre des paroles, le théâtre des oreilles. Bah, l'idée est venue de ce qui me semble que si je me suis fait une voix, c'est en imitant à peu près toutes les personnes qui étaient autour de moi. Les personnes, c'est-à-dire les voix, c'est donc forcément les voix de ma famille, à qui j'empruntais aussi forcément une tessiture, mais aussi les voix que j'entendais à la télévision, à la radio, dans les films, au théâtre. J'ai l'impression de m'être fait la voix en imitant, mais jusqu'à singer purement et simplement. Je me rappelle que quand je jouais au théâtre, j'imitais Jean-Louis Barrault, et ensuite Jean-Pierre Bouvier, que j'avais vu dans Le Soulier de Satin plusieurs fois, monté par Jean-Louis Barrault. Donc ça donnait des choses totalement impersonnelles, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. C'est mon frère Bruno, à qui j'aimerais bien avoir son souvenir là-dessus, qui me disait, mais c'est pas ta voix, c'est pas toi. Alors je me disais, mais c'est la voix de qui? Alors d'abord, puisque moi j'en faisais pas exprès, alors c'est la voix de mes grands-parents, c'est la voix de mes parents, de mon père. J'ai jamais su vraiment, par exemple, si mon père avait une belle voix. Parce que je rêvais d'avoir une belle voix. Et je ne sais toujours pas, mon père, je l'ai imité, je l'imite toujours. Il parle un petit peu comme ça, il a un accent, vague accent pied noir, qui ressort très fort quand il s'énerve. Mais aussi, l'idée là, après, donc c'était ça l'idée d'imitation, et puis m'est venue l'idée d'enregistrer les voix de mes proches, et de leur demander à eux de me décrire la voix des disparus, c'est-à-dire mes grands-pères. Et effectivement, là, c'était d'un seul coup le plaisir affectif de capter, souvent, notamment mes grands-pères, je n'ai pas leur voix, personne ne les a, et donc ces voix sont vraiment perdues. Et là, c'est de capter ces voix-là, pour pouvoir les garder avec moi et d'une certaine façon les publier. Voilà, donc en cherchant ma voix, c'est pas simplement... C'est retenir... et d'écrire, pouvoir écrire même la voix des autres, la voix de mes autres qui ont fait ma voix. Parce que ce que je me disais, c'est qu'on arrive très mal à décrire une voix parlée. On va le voir, puisque je vais leur demander de parler, de me décrire la voix de leur père. Et je crois qu'ils vont buter là-dessus. D'une part parce qu'ils s'en souviendront pas, et parce qu'on manque souvent de mots pour décrire une voix. On peut décrire une voix grave, aigu, rauque. On décrit très bien une voix chantée. On la place dans des catégories, mezzo-soprano, baryton, et on s'imagine cette voix. Mais quand même, quand on la décrit, le grain est perdu, donc c'est vain, c'est un effort vain de décrire une voix. C'est vrai. Il a sonné ? Allô ? Non ? Ça devait être mon frère, ça. Bonjour, je suis Olivier Ruat, l'oncle de Denis Podalydès, et je vais vous donner quelques informations sur la voix de Denis. Denis par rapport à sa famille. Alors, première chose, la voix de Denis pour moi-même, c'est une voix qui lui est vraiment propre, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans la famille qui ait une voix identique à celle qu'il a. Que ce soit d'ailleurs aujourd'hui, après, je dirais, une formation d'acteur, après des moments où il a pu travailler sa voix, que même lorsqu'il était plus jeune, puisqu'en fait, on n'a pas une différence énorme. Donc, j'ai bien souvenir de sa voix quand il avait 15 ans. Donc, c'était vraiment une voix qui lui était propre. En globalité, c'est vrai que sa voix ne ressemble à aucune autre. Par contre, quand on découpe, quand on analyse bien sa voix, il y a tout de même des sonorités qui pourraient se rapprocher d'une part de celle de son père pour certaines choses et d'autre part de celle de sa mère. En fait, il a des sonorités qui ressemblent à celles de son père essentiellement dans les moments graves, je dirais dans les moments sérieux. Il y a certaines sonorités qui ressortent et qui sont identiques. Et puis, la voix de Denis ressemble à celle de sa mère, plus, je dirais plus dans le débit, plus dans la façon de parler, mais aussi dans la façon de monter. C'est-à-dire qu'en fait, phrase. Il y a une façon effectivement de parler, de jeter les mots par la bouche et de monter. Dans ma voiture, par exemple, puisque j'écoute sans arrêt des cassettes de voix, il y a les voix, par exemple, de Catherine Samy dans La Nostalgie Camarade de Billedou, enregistrement en public. C'est Catherine Samy est prodigieuse. Il y a Charles Dullin, absolument génial, dans La Vare, dans des très vieux enregistrements. Il y a Pierre Arditi lisant Ma mère, je crois, de Bataille. Il y a, ah ça c'est très très beau, je le ferai écouter ça, Jean de la Lune, c'est l'apparition de Michel Simon dans le rôle de Clo-Clo, c'est le comique absolu pour moi, c'est, il débarque dans une scène débile, la scène est stupide pratiquement, enfin on peut dire qu'à l'écriture, c'est pas, ça n'a rien de génial, mais Michel Simon c'est la singularité absolue, il entre en scène puis il se met à chantonner, il y a un dialogue absolument... Il est inassimilable à aucun autre. Il a cette espèce d'accent, parce qu'il est jeune dans cet enregistrement-là. C'est pas le vieux Michel Simon qui faisait un peu singe rusé. C'est le jeune Michel Simon qui n'a pas l'air du tout de se rendre compte qu'il détonne, qu'il étonne et qu'il est absolument irrésistible. Voilà, il y a ça. Il y en a qui traînent, il y en a que j'ai arrêté en cours de route. Non, ça c'est Arditi, ça... J'ai Arditi qui est un génial lecteur. Saint-Simon. Ah oui, alors ça c'est très beau, ça. C'est Jean Villard. Pour moi, c'est la voix avec Agnès Varda. Où il évoque 7, il évoque le début du DNP. C'est. Pour moi, c'est la voix de Villard est une des voix les plus émouvantes. Et notamment, justement, c'est. Ça me fait drôle parce qu'en allant parler avec ma grand-mère, lui demander d'écrire la voix de Maurice Rua. J'ai souvent, comme il se ressemblait pour moi physiquement, j'ai évidemment assimilé la voix de Villard à celle de mon grand-père. Mais je crois que ça n'a rien à voir, en fait. Mais pour moi, Villard, c'était... Je vais la mettre un peu. C'est la voix d'un... Comme c'est le TNP, pour moi, c'est la voix de la République, Jean Villard. C'est le TNP, Chaillot, les classiques au service du peuple... une diction à la fois très large, très, très puissante, et puis un souci de la modestie, de la sobriété. Val d'Avignon, 4 ans après, 1947, que je voilà, comprends qu'il y a une notion de public. Dès 1947, public, dit, voilà. J'aime quand il. Cette voix me donne des frissons, hein, vraiment. Oui. Elle est posée. Là, en plus, l'homme va mourir dans pas très longtemps. Du TNP tout de suite, qui est tout de même une période qui n'a que 12 ans d'âge pour moi, qui date de 51, 14 ans. Donc, il y a précédemment en 51 une activité qui est faite de responsabilité qui ne se voit pas tout de suite. Tout à fait l'intention. Populaire, voilà. J'adore cet accent. Il a une transformation de son accent. Vous dire un théâtre populaire, enfin. J'ai pas arrêté aussi d'imiter ces voix-là. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs, ça. Quand j'étais adolescent, même avant, j'imitais des voix de grand-père, des voix de personnes âgées, qu'on interviewait sur leur vie. Et je me le faisais tout seul, alors que je n'avais rien fait. Je parlais, j'imitais des vieilles personnes parlant de leur jeunesse et disant c'est en 1947, n'est-ce pas ? Que Claudel est venu me voir, m'a demandé d'écrire cette musique, j'ai écrit pour lui telle et telle œuvre, et ensuite c'est devenu la musique de scène du soulier de satin. Enfin, je pouvais broder comme ça pendant très longtemps, à m'inventer comme ça toute une vie d'artiste, mais d'artiste fini, d'artiste à la retraite, alors que j'avais qu'un... Bonjour, allégresse des eaux vives, féerie des bulles, joie... Pétillance des jardins, bim badam bim, je pars pour la journée, bim badam, ce bip sonore en révérence. Oui, dans le mot élection réside une ambivalence et une énigme. Car chacun de nous, devant sa propre vie, peut se demander s'il a élu. Dans la nuit d'éternel, emporter son recul. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Je connaissais ça par cœur. Suspend ton vol, l'année à peine finie, sa carrière, et près les flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul, m'asseoir sur cette pierre. Je comprends pas pourquoi il dit je viens seul m'asseoir. Il fait une petite pause qui... Mais c'est... Nous voguions en silence. Je me rends compte, dans ma voiture, je parle tout seul, mais souvent j'allais au parc, souvent dans des moments où ça n'allait pas. Ah ben voilà mon frère Laurent. Voilà le Rasta. Ouais. Tu vas faire quoi là ? Acheter le Libération, le journal. D'accord. Et je reviens dans... tout de suite. Bah moi je vais aller voir mamie et puis... Elle t'attend d'ailleurs, parce qu'elle a un rendez-vous. Ah oui, je sais, on y va tout de suite. Bon, à tout à l'heure. Voilà, mon frère Laurent, la voix plus grave, hein. Il a une voix... Bon, là, il n'est pas très bien réveillé, mais... Souvent, on dit que c'est la plus belle voix de la famille, c'est Laurent. Ah oui, c'est bien l'interphone, hein, pour l'interphone. La voix de ma grand-mère par l'interphone. Elle va dire... Oui. Parce que ça, c'est enregistré. C'est un petit magnétophone... Non, c'était sur un manche disque, un truc comme ça. C'était un 45 tours, ça. Hein. Oui, c'est nous, oui. La touche traditionnelle, les premiers... Mais ça, c'était un 45 tours, le disque lui-même. Oui, certainement, mais on présentait comme là le micro devant le haut-parleur, quand il n'y avait pas de câble. Il y a un décrochement. Petit garçon, petite fille, donnez-moi la main. Il doit être un petit peu stressé, en fait. Entrons sur la pointe des pieds dans ce beau livre d'images. Mais va pas être impressionné, elle parle. Micro, pour être tout à fait naturel. Cette princesse se nommait Blanche-Neige. C'est pas moi ça ? Elle était libraire. Un grand librairie. Bonjour maman. Ah, là ça va être voilà. Ça va bien ? Ça va bien, ça va aussi ? Bah ta mère hier matin, oui. Elle avait une réunion en l'évêché. Bon. À 9h30, elle est arrivée à 10h30 parce qu'elle n'avait pas changé. Oui. Non, mais moi j'ai changé tout sauf le réveil. Ah oui, il faut le réécouter ça. Voilà, parce qu'il y a un accent. Plus belle que vous. C'est surtout vous que je me rappelle très bien que je n'étais pas content. Elle a dit que vous. On peut toujours libérer les tables. Oh, reine, vous êtes splendide, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle que vous. Alors tu sais, je t'avais parlé, je t'avais dit ce que j'aimerais, c'est que tu décrives la voix de ton père, ou ce que tu peux imaginer de la voix de ton père, mais qui est mort. Bah oui, il est mort, j'avais un an. Oui, mais est-ce qu'on t'a parlé de sa voix, par exemple? Non. Parce que je me rends compte souvent dans les souvenirs qu'on peut garder des gens, même de ses plus proches, on ne sait pas quelle était leur voix. Il est très difficile de décrire une voix. Oui. On peut décrire une voix chantée, mais difficilement une voix parlée. Et donc, qu'est-ce que toi... Non, on ne m'a jamais... on m'avait toujours dit que mon père était un homme très joyeux, très gai, aimant beaucoup les contacts humains, les sorties. Mais à travers ça... Je ne peux rien dire parce que je ne l'ai pertinemment jamais entendu. Oui, c'est pas finalement par le caractère qu'on pourrait imaginer une voix. Une voix qu'on peut entendre encore dans la famille, puisqu'il y a je trouve qu'il y a un tempérament assez joyeux du côté. Ah, oui. Oui. Ah, oui. Alors, mon mari, tu vois la voix d'Olivier, une voix moins grave que celle d'Olivier. Oui. Nettement dans un registre supérieur, une voix. Assez hésitante. Ah oui, oui. Contrairement à moi, pas affirmée. Ça, c'est... pardon, c'est la voix de... De mon mari, de Maurice. Ton grand-père. Ah, voilà. Oui, d'accord. Maurice Rua. D'accord, une voix plus douce, plus... Oui, plus hésitante. Maintenant, ça aussi, je le reconstitue d'après son tempérament. D'après son tempérament, oui. Parce qu'il n'y a pas, t'as pas eu d'enregistrement... Non. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas, s'enregistrer. On se prenait en photo, mais on ne s'enregistrait pas. Oui, c'est ça. Non, il est mort en 58. Ouais. Et moi, le premier enregistrement de voix que j'ai eu, c'est ton père en 60 pour moi. Et ça, j'avais été stupéfaite du son de ma voix. Ah bon ? Oui. Tu t'étais jamais entendu, c'était la première fois que tu t'entendais. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'avait frappé ? Eh bien, j'ai été frappée par un côté un peu sec et autoritaire que j'ai dû garder. Je ne sais pas. Non. Sexe, c'est pas mon tempérament. Non, mais tu avais de l'autorité. Mais autorité, j'avais sûrement l'autorité. Ah oui, sûrement, la librairie. Moi, oui. Je me rappelle de t'avoir entendu remettre quelqu'un en place. C'était fait rapidement. Gentiment et rapidement. Gentiment, c'était ferme, voilà. C'était de la fermeté. C'était c'est une... ça. Ah, sûrement, oui. Et est-ce que tu entends dans la voix de tes enfants des choses de la tienne? Christine, oui. C'est Christine, hein, oui. Oui. Oui, oui. Oui, c'est ce que je pensais, oui. Oui. Elle est là, Christine, non? Eh bien... J'aimerais... Elle était là hier, mais je ne sais pas. Mais... Parce que c'est vrai. Mais, et chez maman, tu n'entends pas... Ça te frappe moins? Non. Parce que moi, je suis quand même frappé aussi par les accents qui sont de maman que je retrouve chez toi. Oui, mais moi, dans ma voix, je ne la connais pas. Mais oui. Car au fond, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Ben, c'est pour ça, moi, que hein? Je fais ça, justement. Oui. C'est, ma voix, j'essaye de parce de que vous... pour non. Toi, il est important de connaître le son de ta voix. Mais en même temps, je ne sais pas toujours de quoi elle est faite. C'est ça que j'aimerais, qui m'intéresse. De quoi elle est faite? Tu veux dire sur le plan intérieur? Oui, mais tout ça, d'où elle vient. Affective. C'est ça, d'où elle vient, comment on la caractériserait, et d'où ça vient, si ça vient plutôt du côté de ma mère, du côté de mon père, qu'est-ce que j'emprunte? Oui, c'est ça. Qui me... C'est ça. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses comme ça qu'on pourra en reconnaître, enfin, d'une voix à l'autre. Ah, mais chez Christine, je reconnais. Ah oui, oui, oui. Oui, je reconnais tout en ne connaissant pas bien la mienne, mais. Oui. Et en même temps, je dirais pas. Justement, que tu faire écouter alors là que dans un tout autre sens. Centaure, en fait, non, tu sais, une voix. Non. Michel Simon, précisément. Michel Simon. Excusez-moi, je suis en retard. Pardon. Je dis, je suis un peu en retard, excusez. J'en ai plus. Ah, comment, vous feriez mieux de vous servir carrément de vos produits. Notez que je ne suis pas ennemi des parfums, seulement pas ton info, comme disait mon ami Chaussin. Un rigolo, celui-là, c'est l'auteur de la chanson. C'est parce que... Bonjour, ici Christine Hubert, la tante de Denis Podalydès. Il avait laissé un message sur mon répondeur pour que je vous rappelle. J'espère que je ne vous rappelle pas trop tard. Il m'a demandé d'essayer d'évoquer les souvenirs que je pouvais avoir de la voix de mon père. J'avoue que je n'en ai pas beaucoup puisqu'il est mort, j'avais 7 ans. Et je crois me souvenir que c'était une voix assez monocorde, pas très forte et malgré tout assez douce. Voilà, et en ce qui concerne ma propre voix, je suis particulièrement enrhumée. J'espère que ce petit enregistrement sera suffisant, et sinon, je reste à votre disposition. Merci, au revoir. Donc, est-ce que tu imitais quelqu'un? Tu imitais les gens quand tu... Moi, c'est ta mère qui était une imitatrice extraordinaire. Ah oui, c'est ah vrai, oui. Parce que... Oh, mais c'était formidable. Elle imitait qui elle voulait. Mais, en tout cas, pour moi... Si tu veux, ta voix ne rappelle absolument pas la voix de ton grand-père, mon mari. Ah. Non. Alors ça doit être Charnay, parce que mon ami Yves Charnay, j'ai beaucoup travaillé ses textes en lecture, et ça doit être ça. Au visage, au ventre, au flanc, l'âge mûr qui démembre, raréfie, massacre, vous avez vu nos têtes de... Non, c'est pas ça, parce que c'est Sirjac, ça c'est Louis-Charles Sirjac. Ce que je retiens aujourd'hui de ton suicide, c'est que finalement, il n'y a pas moyen. J'écris ces lignes après de sévères attaques de mélancolie. Encore dans le brouillard et l'inertie de cette désolation qui semble mon lot. Peine sans raison qui me tient au lit, m'interdisant de répondre quand le téléphone fait intermittent. Ça c'est Yves Charnay, Prose du Fils, c'est un des travaux, parce que j'ai fait beaucoup de lectures de ces livres. Mais quand j'écoute, parce que ça nasalise énormément évidemment la voix. J'ai vraiment une voix d'une autre époque. Quoi, d'un autre... de ces revenants pour lesquels la catastrophe ayant déjà eu lieu. Voilà, c'est vraiment des bribes, hein, ça n'a pas d'improvisation, je ne sais pas. Voilà, impro, théâtre, Bruno, expérience de la gerbe, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ça, j'ai beaucoup imité de gens, j'aimais beaucoup, en particulier évidemment les profs, bon, des petites revues, des trucs comme ça. La voix de Mademoiselle Ancas. Mais ça... Mais je la revois encore, tu sais, ça qui est drôle. Je la vois très, très, très vieille dame. Mais comment, justement? Oh, ma petite Francine. Oh, mais non, vous voilà, souvent, j'ai pas encore fait cette préparation grecque. Il y a des noms, mais c'est pas en fait les noms. Mais je me forçais à pleurer, tu sais, j'arrivais à pleurer sur commande, absolument. Et comme ça, j'ai évité, je sais pas combien de zéros. J'ai l'intention de m'acheter. Ah, parce que toi, tu pleurais pour que. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Mais c'est drôle, la voix de Mademoiselle Anquetin, elle revient, mais parfaitement. Ah oui, oui, parce que j'ai tellement. J'ai eu 2 ans. Ça, c'est quelqu'un d'assez loin, quand même. Oui, mais j'ai eu 2 ans en français, latin, grec, donc beaucoup d'heures. Et puis non, puis sa voix, on m'a tellement demandé de l'imiter aussi. Mais c'est vraiment ça, parce que je la revois. Ouais. Et donc, j'ai déjeuné avec elle chez maman, et c'était tout à fait ça. « Oh, Francine, comme je suis contente de vous revoir après tant d'années !» Voilà, je crois que je me rappelle, même par la voix, je me rappelle de cette personne. Je crois que je l'ai vu. Il y a comme ça, personne. C'est assez marrant, parce que toi, c'était aussi ton prof de français de seconde que tu nous as imité pendant tout un été. Ouais, tout et alors, avec Denis, c'était terrible, parce que quand j'allais voir les profs, j'étais extrêmement gênante parce que j'avais toujours envie de rire parce que dès les premiers mots qu'ils prononçaient, je les avais déjà entendus quoi. Alors celui-là en particulier et d'autres aussi et puis évidemment les mimiques en même temps. Donc j'avais vraiment envie de rire. Mais alors, je me demande justement d'où nous vient ce don d'imitation. Maman a toujours beaucoup parlé, a toujours été très très catégorique, etc. C'était comme ci comme ça. Mais par contre, maman, c'est limité. Peut-être, oui, peut-être. J'ai pas d'idée de ce qu'elle pourrait bien dire. Ce qu'elle te dirait justement quand tu es en retard hier. Tu arrivais en retard. Oh ! Ah non, il y a le oh dans la famille est très. Mais moi je l'ai ce oh. Ah oui, moi pas du tout. Ce n'est pas vrai, mais bien sûr que si. J'espère que non, parce qu'il m'agace. Avant, je. Mais si, le oh très très fermé. Ah oui. Et très pas. Oh, oh, oh. Non, c'est un oh. Oui, ah oui, maman fait ça. C'est... Bah, toi, bien sûr, mamie, et toi, pareil, et moi aussi. Moi, je fais ça chez moi aussi. Je trouve quelque chose. Oh. Ah oui, qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire, des choses qu'elle répète souvent. On tapant du doigt. Oui. Ça me paraît très modéré. Celui-là me paraît très modéré. Quelqu'un de très bien. Parce que c'est souvent un sujet de discussion qu'on a souvent. Pour maman, la qualité extraordinaire, c'est d'être modéré. Alors je lui dis, s'il est très modéré, il est insipide, il inodore, il est. Non, il est très modéré. Il est très modéré. C'est une grande. Oui. C'est une grande qualité. Une grande qualité. D'être modéré. D'être modéré. Bon, c'est d'autant plus facile d'imiter maman, bon, moi qu'elle est là, quoi. Que d'abord, elle a toujours pris la parole pour un peu, toute la famille, et en plus qu'elle est là. Ouais. J'imagine deux choses. La voix de mon grand-père Maurice Ruat, grand-père maternel. J'imagine un homme plutôt doux qui aurait été un peu dominé, un peu effacé, songeur extrêmement, qu'on entendrait peut-être mal. Soit ça, soit au contraire, un homme dynamique, disant, alors avec ta grand-mère, c'était l'année de l'Exode, nous avions décidé d'emmener ta mère en Haute-Loire, où nous avions, tu le sais bien, cette maison que tu as connue. Oui, tu l'as connue, c'est très bien. Et à ce moment-là, mais c'était la guerre, etc., etc. Voilà, j'imagine, soit ça, soit... Ah, les urgences. Et... Par contre, du côté de mon père, c'est beaucoup plus... C'est pas là. C'est... Mon père, il y a des accents... Bah, le problème, c'est le grec, le côté grec. Mon grand-père paternel était grec. Il est mort en 51. Mon père l'a finalement assez peu connu. Et il devait avoir un accent, je pense. Un accent, il devait rouler les R, parce que j'ai par ma tante Olga, qui était sa sœur, elle roulait les R assez profondément. Donc ça devait être, j'imagine, une voix... c'est plus difficile pour moi à restituer. C'est parce que la Grèce, on nous en a très peu parlé, mon père n'y est jamais allé. Moi j'y suis allé très tard pour faire un film où j'ai appris du grec. J'ai appris par plaisir, mais vraiment en me disant, finalement, c'est moi aussi. J'ai une facilité à prendre les accents et de... J'avais une phrase que j'avais appris topukamisotis anula sinepoliorio, qui est une phrase absolument idiote. Ça veut dire la chemise de la petite anula est très jolie. Et un jour, parce que je travaillais avec la méthode à 6000, et dans la cage d'escalier, ça résonnait énormément, et j'ai dit comme ça topukamisotis anula sinepoliorio, mais fort, et ça les a fait retourner et dire. Quel est le type? Parce que ça, j'imitais en même temps en disant ça, j'imitais le grec de base, qu'il parle très fort, et très accentué. Et, voilà, quand j'apprends une langue, c'est aussi j'imite l'accent. Donc j'arrive à bien prendre l'accent parce que j'imite une personne. C'est pareil quand je faisais de l'anglais. Ma mère est prof d'anglais d'ailleurs. Mais j'ai toujours imité des acteurs anglais, pas, de façon pas précise, mais ce qui était pour moi un anglais, je sais pas, ladies and gentlemen, I think that the different meanings of this sentence is. Je prenais un accent très snob. D'ailleurs, ma prof d'anglais se demandait pourquoi, puisque j'avais besoin comme ça de faire le snob. Moi, je rêve aussi d'avoir un DAT comme ça, un appareil d'enregistrement, et de m'enfermer avec et de m'enregistrer dans lisant et testant des voix. Je voudrais inventer des voix comme un chimiste met au point une formule en mettant. J'aimerais faire ça, je ne sais pas, comme faire une pièce de théâtre comme ça, enregistrer le soulier de satin en faisant toutes les voix. Et sans qu'on sache que c'est la même personne qui les fait toutes. Ça, je trouve que ce serait. J'aurais l'impression de faire quelque chose, de créer. Parce que quand on est acteur, finalement, la déception, c'est qu'on n'a pas d'objet créé. Il n'y a pas la peinture ou il n'y a pas la sculpture enfin faite. Donc souvent, c'est un enregistrement en cassette, comme ça. Une petite cassette qui montre qu'on a travaillé, qu'on a fait œuvre. Par exemple, quand j'écoute Jean Villard dans Cinna, la tirade d'Auguste, j'ai l'impression que c'est un acteur-sculpteur qui a sculpté pour l'éternité un moment d'un rôle dans une voix. Et pour moi, c'est une vraie œuvre d'art. Michel Bouquet aussi, dans certains rôles comme ça, ou quand je réécoute, lisant Victor Hugo, j'ai l'impression qu'il a... Ou de Sartre, disant Apollinaire, ou dans Rousseau. Puis, un instant, par l'émission de leur voix, il y a un objet sonore qui est resté dans l'espace. Et qui, parce qu'il a été capté, reste encore et traverse le temps. Alors que souvent, je suis déçu par évidemment les enregistrements très très anciens qui traversent le temps, mais dans une sorte de nasillement qui les rend totalement archaïques pour moi. J'étais très content de ce truc, moi. France, hein, c'est splendide. Et en fait, j'imitais la voix de mamie. Hein. Mmh. Ça, j'imitais la voix de ma grand-mère. Ce côté nasal. Les avis étaient partagés. Mais quand Blanche-Neige dit qu'elle savait faire la cuisine, tout le monde voulut qu'elle reste. Mais la reine, dans son laboratoire... Il y a un moment, notre premier succès que j'avais même mis dans la première biographie, la sortie de Versailles Rive Gauche, c'était quand les nains chantaient sur le requiem de Mozart. On avait réussi à émouvoir notre cousine, c'était un triomphe. Ouais, ils avaient les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, on était fiers, je crois, de cet effet-là. Ah, ça, on était très contents. Ça, c'est quand ils dansent, les nains. Là. Les nains, ça. C'est juste de la musique. Parce que, oui, je sais plus, là. Mais, dans sa prison, le prince voulait s'évader. Il aperçut les clés. Il les prit à l'aide d'un bout de bois. Et sans bruit. De toute façon, on va faire ça séparément. Ah ben voilà ma mère. Aussitôt, les animaux prévèrent les nains. Enfin, arrivés à la mine. Blanche-Neige est en danger. Et tout de suite, les nains volèrent au secours de la princesse. Mais la reine fut frappée par le ravin. On était très fiers parce que le bruit du micro, la sorcière va chuter dans le ravin et le bruit de coupure du micro. Un effet dramatique. Et ça nous prenait deux bonnes journées. Et nous, je sais pas si Denis t'a déjà raconté on s'enfermait pendant deux jours. Ils acceptaient qu'on mange pas, nous dérangeaient pas. Il y avait une matinée, enfin je sais plus le temps. Quand on est enfant comme ça, on écrit tous les textes sur le papier. Et puis après, l'enregistrement, puis tous les bruitages. Et au bout de deux jours, On avait une bande-son, ça durait quoi, 20 minutes, je sais pas. Et après, on faisait la projection, les parents acceptaient de payer un franc à l'entrée. On était pris au sérieux, quoi, c'est ça qui était bien. Je vais avancer jusqu'à Robin des Bois pour voir le changement de voix. Parce que là, c'est 74. 74, et Robin des Bois, j'ai noté 76. 76, c'est j'avais 2 ans. Dans rien, j'ai 11 ans et l'autre, j'ai 13 ans. Et j'avais 2 ans de plus, donc 13 et... mec, 24 ans. En fait, moi, ce que je voudrais te demander, c'est par rapport à un instant presque... un moment précis, ouais. Où quand je te parlais de théâtre, est-ce que tu te rappelles ce jour je te parlais de Claudel? Ouais, en vacances, je me souviens très bien. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est quoi ton souvenir de ça? Bah, on était dans le patio et t'es venu me voir environ. Ouais. Et tu m'as dit, Laurent, souviens-toi, avec cette voix un peu... Voilà, bah c'est ça. Un peu nasillarde. Et en fait, tu faisais une imitation, je crois, de ton prof, de Charas, un prof de terminale. Et tu m'as dit, souviens-toi de Paul Claudel. Pourquoi je t'ai dit ça? Souviens-toi de Paul Claudel. Bah, parce que tu devais répéter avant une pièce, non? Je sais pas, et voilà. Non, il me semble que c'était ça. Moi, enfin, pas répéter, mais pour toi, où tu devais lire des textes. Ouais. Oui, je crois que c'était ça, en fait. C'était à cause de Jean-Louis Barrault, en fait. Moi. C'était Jean-Louis Barrault, moi, j'ai toujours... Ouais, bah, je suis sûr que c'est ça. Tu te rappelles de ça, quoi, que je te parlais de Jean-Louis Barrault, que je te parlais du soulier. Hein? Soulier de satin, ouais, et puis, je me souviens, on t'entendait hurler « Prouesse, prouesse !» avec cette voix. Ouais, et bah, nous, après, la voix, on... Fais-la la voix. Prouesse avec ce S très prononcé et qui continue. Prouesse, m'entendez-vous? Prouesse. Ouais. Je sais plus, ouais, c'est ça, ouais. Très, très gonflant, j'imagine. Parfois, ouais. Mais t'étais sans arrêt en train d'imiter aussi des gens, enfin tous les gens que tu côtoyais, ou des acteurs. Mais tout le monde a imité dans la famille, je crois. Est-ce que t'es capable de décrire la voix de papa? De la décrire, pas de l'imiter, mais de la décrire. De la décrire, ouais. Bah, c'est pas évident de décrire une voix, quand même. Écoute, non, j'aurais du mal à la décrire, plutôt à l'imiter, mais... Voilà. Mais c'est moins intéressant, enfin, je sais pas. Bah, disons qu'il a une voix bien, bien spéciale, il est pied noir, donc... voilà, il a la c'est voix... Pas la, des... Mais c'est pas la chose qui mais c'est pas la... Non, et puis il a des expressions vraiment à lui, des expressions de son père, je crois. Est-ce que dans ma voix, t'entends de sa voix? Non, franchement... des intonations, parfois, mais... Non, pas vraiment, non. Même au niveau du timbre. Et la voix de maman, dans la mienne, t'entends la voix de maman? Non plus, non. Mais j'ai du mal, moi. Peut-être que je peux pas analyser de la même façon qu'une autre personne. Et dans ma voix, est-ce que tu penses qu'on a... En revanche, ouais. Et d'ailleurs, on me l'a souvent dit au téléphone, par exemple. Si, peut-être que moi-même, j'ai imité aussi un peu ta voix. Non. Je sais pas. Pas comme un modèle, bien non, sûr. Mais c'est non, mais entre nos voix, il y a Bruno, Eric, toi, moi. Ouais. Elles sont assez semblables, ouais, c'est sûr. La façon. Les mots. Et sinon, on avait mais ça, bon, j'ai pas de souvenir très précis, le théâtre. On avait fait une pièce ensemble. Oui. Je me souviens même. Les Funambules. Ça s'appelait pas Les Funambules, ça s'appelait Homère sur l'Odyssée, d'après l'Odyssée. Oui, et Laurent, j'avais demandé à Laurent de jouer le rôle du dieu amour. Ouais, d'Eros. Eros, ouais. Ah oui, tiens, quel souvenir j'en ai. Mais j'avais un tout petit rôle. En revanche, toi, t'avais plusieurs rôles. Je me souviens et... Les reproches. Ouais. C'est ça, ouais. Tu m'as toujours... Non, c'était un rôle très important, Eros. C'est normal, c'est toi qui avais écrit. C'était un montage. Qui avait écrit cette pièce. Et il y avait tous les dieux, comme ça, qui parlaient, plus Ulysse. Et moi, je devais faire quelques dieux, plus Ulysse, plus... Je n'hésitais pas à me distribuer allègrement. Mais en disant aux autres, voilà, la distribution, c'est ça. Personne n'avait le droit. Ouais. Mais je me souviens, je ne reconnaissais pas trop ta voix non plus. Tu prenais une voix bien... Ah oui, ça, c'était une chose aussi. Ça, c'est une chose, ouais. À chaque fois que tu me voyais au théâtre, et Laurent me voit très peu au théâtre, il ne vient pratiquement jamais. Oh, ça m'est arrivé quand même, mais... Vu toutes les pièces. Ouais. Et Laurent était très indisposé par ma voix au théâtre. Souvent, il me l'a dit... Mais c'est pas ta voix, mais qu'est-ce que... Mais je trouvais que t'avais une voix un petit peu nerveuse. Mmh. Et moi, j'ai toujours pensé, en fait, que tu faisais des imitations et que t'avais toujours eu un peu de mal au début, excuse-moi, hein, mais c'est vrai, d'avoir ta propre voix à toi, de vraiment trouver ta propre voix. Et je pense que maintenant, c'est bon. Mais moi, je pense que ça a toujours été une gêne pour moi C'est pas simplement, mais que qu'on me dise, c'est pas ta voix. Récemment encore, ma belle-sœur, comme ça, me dit, mais c'est pas ta voix. Ouais. Et c'était la chose pour moi la plus douloureuse à entendre. Au théâtre, alors que c'est vrai qu'au théâtre, la voix est altérée, transformée. Mmh. En même temps, on espère que c'est quand même sa voix, parce que sinon, ça fait vraiment acteur de carton. Et alors, à chaque fois que des proches, justement, me disaient, c'est pas ta voix, c'était vraiment une souffrance, quoi. Vraiment quelque chose, la chose la plus, peut-être, les plus dures à entendre. Je devais chercher comment je projette le trait principal de mon caractère, je serais extrêmement embarrassé. Roland Barthes. Je pense que je le situerais plutôt du côté d'une grande angoisse, de, j'allais dire d'une grande exigence, mais je traduis tout de suite exigence par angoisse, de délicatesse. Par exemple, l'angoisse d'être blessé développe continuellement chez moi, me semble-t-il, une sorte d'ensemble, d'un ordre de valeurs qui est de l'ordre de la délicatesse. Et par exemple, un certain rapport à la... L'enregistrement est tellement mauvais. Pas bon. C'est la voix de Barthes, elle, surtout dans ce passage-là où il parle de l'angoisse de délicatesse. Je trouve que c'est une voix pour Marivaux. C'est la voix d'une voix d'intelligence, d'extrême tension, enfin, on sent de l'angoisse chez cet homme-là, on sent de la réflexion et une plénitude dans sa voix. Mais c'est dommage, ça marche mal. Bon, le type au téléphone n'avait pas une voix de comique. Hein. La compète va être très très dure, et je me connais. Ah, par contre, oui, si c'est des types sans aucun humour. Toute petite voix, très très gentille, très polie, maladivement timide. Presque muet. Ah bah alors là je peux me déchaîner, là, ça peut cartonner très fort. Qu'est-ce que j'ai comme vanne accessible, là, maintenant? Et d'ailleurs, quand on se fait entendre dans une bande ou sur un film, on est extrêmement gêné, tout simplement. C'est vraiment comme si une sorte de pudeur un peu dérangée... La voix, à chaque fois, trahit énormément de choses. Oui, et puis on aimerait, ou on aimerait la masquer, ou on aimerait qu'elle soit complètement nue, mais moi j'ai l'impression que c'est justement qu'il y a de la cuisine là-dedans, qu'il y a quelque chose que j'ai trafiqué, ou que j'ai trafiqué volontairement, ou alors qu'il s'est trafiqué tout seul, mais qu'il y a toujours quelque chose de perdu. Voilà. Pourquoi c'est pas ta voix? Alors, c'est quoi ma voix? C'est ma voix quand je vous parle à vous, quand je dîne avec vous, mais ça peut pas être la même voix que quand je suis sur scène. Il y a quelque chose qui est tu, oui. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne s'exprime pas, enfin, ou une émotion qui ne s'exprime pas. J'ai souvent ce sentiment-là, d'ailleurs, moi, au théâtre, de ne pas avoir été... J'avais joué un rôle comme ça. Ce n'était pas un rôle comique, parce que souvent, on est caché par les rôles comiques, puisqu'il y a le devoir de faire rire, fait qu'on a certaines choses qu'on peut facilement occulter, mais un rôle qui n'était pas comique, d'un mois à la campagne, où j'avais le sentiment que ma voix était sèche. Ne transmettait aucune émotion que je pouvais entendre chez d'autres acteurs, chez des camarades dans la même distribution. Et j'avais l'impression que ma voix était comme ça, arrêtée. Il y avait des accents, comment dire, secs. Bon. Et dans la famille, il y a ça souvent. Ah oui. Il y a un côté... Maman, maman, je pense à maman, ouais. Notamment, ouais. Oui, oui. Qui a un peu cette voix. Quelque chose qui retient, qui fait que... Il n'y a pas une douceur ou il n'y a pas un plein de la voix qui fait que ça c'est chargé, ça offre quelque chose, ça capte quelque chose. C'est voilà, c'est des à-coups, c'est sec. Et moi, quand j'entends ça dans ma voix, ça me blesse. J'aimerais avoir des pleins et des déliés. Notamment dans la colère, moi je sais que dans la colère je perds la voix complètement. Je ne sais pas alimenter une belle colère avec une montée comme ça et puis des phrases qui viennent. Ça c'est des cris, c'est des hoquets, mais c'est pas bien sûr, c'est normal. une colère, enfin, on contrôle rien. Mais non, t'as des gens qui ont des colères, tu sais, ils sont furieux, mais ça sort. Moi, je connais des gens comme ça. Tu sais, ils règlent leur compte à tout le monde. Même papa a des colères, avait des colères expressives. Jamais, je remettrai plus jamais les pieds ici, vous allez tous me foutre le camp. C'est pas, je te dis pas qu'il fait des belles phrases. Non, non, j'ai bien compris. Ouais. Mais c'est des phrases, quoi. C'est tenu, il y a une sortie, il y a quelque chose qui monte de là. Comme je te l'ai dit, mais j'ai perdu ton grand-père, j'avais 11 ans, hein, 11 ans et demi. Mais est-ce que tu as de souvenir de sa voix? C'était une voix grave, c'était, il roulait les airs, par exemple? Voilà, ça, je sais qu'il roulait les airs, ça m'a toujours frappé comme sa sœur, oui, dans le cas, tu te souviens. Bon, on sentait quand même ses origines. Mais c'était pas l'accent... Pas l'accent pied-noir, c'était l'accent grec. Pas du tout, non, il n'avait pas du tout l'accent pied-noir, hein, pas du tout. Non, il avait, bon, bien sûr, il avait vécu en Afrique du Nord, mais c'était surtout de famille, il avait gardé ce timbre de voix. Quand Tata venait à la maison, il se mettait à parler grec. Ça, il parlait couramment le grec, il parlait l'italien, il était très polyglotte. Hein, il avait... Donc, à ce moment-là, ce qui m'horripilait, c'est que pour ne pas que je comprenne, il se mettait à parler dans les différentes langues. Pendant la guerre, il avait été interprète, d'ailleurs. Ah bon? Oui, il était interprète, il montait sur les bateaux pour permettre aux pilotes de rentrer dans le port, tu sais. Ça te faisait peur, ce roulement, ça te paraissait très étranger, très... Non. Ça te faisait peur, ça... Non. Il était un petit peu, sans doute, j'ai hérité de son caractère, il était, je sais qu'il était coléreux, hein, et donc il levait la voix. Ouais. C'est pas mon cas, parce que j'ai une voix assez éteinte, finalement, on me le dit souvent. On te dit que t'as la voix éteinte. Oui, autour de moi, oui. Ma voix ne porte pas. Comment ça? Je n'ai jamais forcé, j'ai peut-être des cordes vocales un peu encrassées, je ne sais pas si c'est cela, mais ma voix ne porte pas, je ne pourrais pas, je peux difficilement chanter. Oui, j'ai des éclats de voix, si tu veux. Tu as de moi des souvenirs de colère sur le bateau, par exemple. Hein, que tu veux évoquer. Bon, bien sûr, j'ai... Mais autour de moi, quand on me fait toujours lever le ton, enfin, on me dit on parle plus fort. Parle plus fort. Parle plus fort. C'est très souvent. Tu me diras, c'est pas. Mais faut-il dire aussi que j'ai une grande timidité et quand on est timide, on a tendance à vouloir baisser sa voix pour ne pas déranger, etc. Hein, ça, c'est souvent. Hein. Alors, est-ce que toi, tu as hérité de ma voix? Je ne sais pas, c'est extérieur. On n'entend pas sa propre voix. J'avance les pavillons de mes oreilles quelquefois pour m'écouter. Il y a très longtemps que je ne me suis pas enregistré sur un magnéto. Oui. Oui. Mais j'ai ce timbre en tête, la voix de mon père. Alors, c'est quoi ce timbre? Parce que moi, je ne sais pas si c'est une voix grave, une voix plus flûtée. Non, c'est pas une voix. Non, c'est une voix assez grave qui roule les airs, un peu gutturale. Gutturale, ah oui. Oui, intérieur. Voilà. Plus voilà. Qui te parle, ah non, Jean-Claude. Non, j'essaie, je prends une voix gutturale. C'est une voix de gorge, quoi, qui résonne là. Oui, c'était comme ça. Non, pas à ce point. Non, c'est une mauvaise imitation, là. Ben non, mais j'imite personne, là. Je ne peux pas l'imiter, justement. C'est comme si on faisait une enquête, tu vois, pour trouver les traces de cette voix. Oui. Parce que moi, l'idée, c'est sûrement quelque chose qui descend comme ça, de voix en voix. Un petit peu de sa voix, par la génétique, si tu veux, mais c'est tout. Par contre, toi, au téléphone, c'est pareil. Entre Laurent et toi, c'est très souvent que je fais la confusion. Bon, ça, parce que là, vraiment, ça se ressent. Et j'ai toujours posé la question, maintenant, tu soulèves le problème, je voulais savoir si sa voix se rapprochait de la mienne. Pas du tout. Hein. Et Bruno, un petit peu plus. Je sais pas. Parce que là du côté de l'héritage des deux, Eric, on n'évoque pas, c'est pas la peine. Mais toi, Bruno, peut-être. Mais toi, par contre, toi, c'est Laurent. Hein. C'est très souvent, je pose la question, d'ailleurs, si savoir si c'est toi ou Laurent au téléphone. Ça, c'est très fréquent. Dialogue entre spectateur et le photographe, c'est quoi ça? Non, ça, c'est des petits sujets, des petits montages que je... Copie. Au parloir de Versailles. Au parc de Versailles. Je pourrais t'emprunter ça. Oui, mais alors là, tu sais, c'est souvent des musiques, en fait. Hein. C'est quand je faisais des montages diapos. Oui, mais j'ai pas d'enregistrement. Par contre, ce qui est y a un truc rigolo, j'ai fait un diaporama sur les amis, et j'avais enregistré leur voix à chacun, en leur faisant dire la même phrase. Sire, c'est une révolte. Non, c'est une révolution. Et j'en faisais dire à chacun, donc j'ai une espèce de mémoire comme ça de... Et ce qui est très pratique avec la voix de Denis qui se métamorphose comme ça si facilement, c'est que quand je faisais des films d'entreprise et encore maintenant, Denis, il manquait toujours des petites voix de quelqu'un qui téléphone, d'un truc à la radio. Et Denis, je lui demande, et moi aussi j'en fais à deux encore en studio après, on continue à faire plein de voix. Même dans Dieu seul me voit, quand on écoute, il y a un match à la télé, ils sont arrêtés dans un quart de police, et les flics écoutent un match à la radio, et c'est Denis qui fait le commentaire, quoi. Jamais personne ne l'a reconnu, même le mixeur hein, du film. Est-ce que tu trouves qu'on a une voix qui se ressemble? Ben, il paraît. Moi, je... Ça, je sais. On n'entend pas sa propre voix, alors je sais pas. Hein. On dit que je parle plus fort, en tout cas. Ah, ça, j'ai remarqué. L'autre fois, on était au restaurant, on parlait du prochain scénario, et il commençait à parler vraiment fort. Tu te souviens, les deux types à côté, là, qui ont complètement craqué, parce qu'ils étaient au courant de tout. Ils avaient pu... Mais manger, ça va être froid. Enfin, ils étaient sympathiques. Mais ça, Denis, c'est vrai, maintenant, tu parles fort. Hein. Mais moi, oui, parce que une fois, ça me gêne, j'associe ça à une forme de prétention ou de... voilà, le côté acteur, quoi. Ce que j'ai essayé de caricaturer. Dans Jean-Pascal Fex, voilà. Dans la pièce, oui. Dans André Magnifique. Ouais. Vraiment, ce côté de l'acteur qui s'écoute parler, qui... Je dois dire que... Ah, ça, c'est une anecdote formidable. J'étais avec mon frère, tu te souviens? Oui, bien sûr. Et tu étais... voilà, la voix comme ça, qui est dans le plein. Non, c'est facile, un acteur. Oui, je faisais dire ça. Le type qui était en pleine santé, qui méprisait absolument tout le monde, qui donnait la leçon à tout le monde et qui expliquait que quand même, c'est fragile, un acteur. C'est très fragile. Mais je me rends compte aussi que j'imitais aussi derrière Georges Lambert, qui a été mon agent artistique pendant 9 ans et qui me faisait très peur par sa voix, notamment. C'est la première personne avec qui j'ai eu un contact artistique professionnel qui m'a dit « Nous allons travailler ensemble, je négocierai pour vous des contrats de cinéma, de télévision et de théâtre. » Et je me suis dit « C'est parti, il y a quelque chose. » J'avais l'impression d'être dans une... d'être catapulté dans le métier d'artiste, parce que l'après-midi même, il m'a envoyé un casting de Costa Gavras. Je suis arrivé, j'ai été présenté à Fanny Ardant, mais c'était vraiment une espèce de démarrage. Alors que 3 semaines avant, je faisais Radio Poupoune, Bastard, tranquillement. Poupoune, Radio qui fait Poupoune. À Versailles, et d'un seul coup, je me retrouvais en plein casting. Bonjour, Fanny Ardant, chanté, Costa Gavras, Johnny Hallyday. Bon. Et j'ai cru que c'était bon, puisque j'arrivais sur le plateau, ils étaient en train de tourner. J'ai cru que ça y est, on allait mettre dans un coin, puis ils allaient tourner l'après-midi même. En fait, je venais faire une photo avec un petit garçon pour voir si je pouvais jouer ce petit garçon plus âgé. Et je n'ai jamais été rappelé. Et j'ai jamais fait ce truc-là. J'ai simplement été serré des louches. Et après, c'était très très long. C'était extrêmement long. Non, non, il y en a d'autres aussi, d'une certaine façon. Lucchini, un peu. La façon de tenir la phrase et de dire longuement les choses de façon tenue et ténue, qui fait que la voix affirme quelque chose jusqu'à gueuler. Bon. Enfin, c'est... Moi, je... Pour moi, le mot caricature, il y a deux sens, quoi. Il y a une caricature très péjorative, où les traits sont grossiers, donc on ne reconnaît plus le modèle, on ne voit qu'un... Et la caricature qui a un sens très, très beau, quoi. Une vraie caricature qui capte avec un trait fort, qui capte une vérité qui a besoin d'être caricaturée pour être visible. Ça, c'est vrai pour le théâtre. Oui. Ouais. Mais justement, enfin, je pensais à ça pour Denis, parce que ce qui nous met aussi dans un certain confort de travail entre nous, entre frères, c'est que Denis, je sens qu'il est toujours quand même dans le jeu, dans la composition, et qu'on a, on n'a pas trop fouillé. Une fois, je me souviens, pendant Dieu seul me voit, tout d'un coup, sa voix a flanché. Tu sais, le monologue au téléphone, quand il explique aux filles à la fin pourquoi, à quel point il souffre d'être hésitant comme ça, de pas avoir d'opinion. Et ça, à un moment, sa voix, comme ça, c'est un peu cassé. Et il y avait une vraie émotion. Moi, j'étais très mal à l'aise. Et je me suis dit, c'est peut-être aussi la limite à un moment de travailler avec son frère, parce que là, on fait la comédie, on est vraiment dans le jeu, un peu du côté du théâtre. Mais si tout d'un coup, comme ça, cette voix bascule, enfin, on était sans défense, quoi. Enfin, la voix à ce moment-là nous nous livre nu, plus qu'à l'image, où par ailleurs Denis s'est déshabillé, j'avais aucune gêne de le filmer nu. Oui, c'est parce que moi, le souvenir sur ce monologue qui n'a pas été monté dans le film, que justement, mon problème, c'était que je n'arrivais pas à briser quelque chose, j'arrivais pas, j'avais le sentiment de rester dans une composition ou un débit qui trahissait un manque d'émotion complet. C'est marrant, j'ai un souvenir, je le savais absolument par cœur, c'était un très très long texte et je l'avais appris comme un monologue de théâtre, donc et je n'arrivais pas à trouver ce qu'on trouve au cinéma et qu'au cinéma, c'est le moment où on s'oublie, où on se brise, où on fait quelque chose qui n'était absolument pas prévu, qui était à peine répété, les conditions étaient là, mais le sentiment qu'il se passe quelque chose une fois unique et que la caméra le capte. Mais je pense il y a des acteurs que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je me rends compte que c'est parce que leur voix est imprévisible. Je pense à Jeanne Balibar qui comme ça passe d'une voix très grave à une voix très aiguë. Enfin, elle fait très peur quand on tourne avec elle parce que dans la seconde qui suit, elle peut physiquement tomber et la voix d'eux-mêmes, Jean-Noël Broutet, aussi Philippe Duclos, ils ont vraiment pour moi des voix de cinéma, c'est-à-dire à travailler comme faisait même Gainsbourg à 2 cm du micro et dans une mouvance. Moi je pensais, parce que la photo, on a tous les deux, c'est curieux, on a la même photo dans nos bureaux respectifs de Charles Denner, qui était alors lui une voix les plus singulières et. Ouais, c'est un de mes acteurs préférés. Une voix de fond d'atelier. Parce qu'il était. Il a fait tout un film quand même en changeant sa voix pratiquement tout le temps. Landru, il me semble que c'est pas sa voix. Non. Et le projet qu'on a, Denis, cet été, je pousserai à le faire, c'est qu'il change sa voix tout du long. Le prochain film. On verra. Qui sera la voix de. On peut le dire. Pas vraiment. Non, alors. Non, non. Quelquefois comme ça, il y a des. Je parle trop. Mes voix sur terre, en fait, je me rappelle le film, un des films. Ma voix des autres. Clé derrière ça. Par Denis Podalydès et Anne-Pascal Lévy. C'est la musique de Coppola, non? Avec les voix de. Donc ça, en fait, Christine Hubert-Rua, Olivier Rua. Odette Rua. Francine Podalydès. Laurent Podalydès. Bruno Podalydès. Jean-Claude Podalydès. Nuit magnétique, bonsoir. C'est ces voix off des films américains des années 80, même encore maintenant, comme ça, une voix très lente. Ah ouais, il y a les photos des trois là, et là on est complètement dans le. Tu vois, dans le truc à Scorsese. If you want a boxer, en 36 à Chattanooga, abattu à Saigon en 75, et c'est un jet qui l'a plombé. Qui alors? Un Américain, un Rital? En fait, moi je savais. Every inch of you. If you wanna drive, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.